شركة فرغب للنشر والتوزيع بفرنسا تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لالونج تاديو سينيور ديز اونيفير والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين et que les prières et les salutations soient sur l'émir des envoyés des prophètes وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste qu'il n'y a et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi d-din, mes frères, mes sœurs en islam, nutabi'u durusana 'an sirati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On va poursuivre nos cours de biographie du messager de Dieu, paix et salut sur lui, ma'a ad-dars al-hadi 'ashar. Avec la leçon numéro 11. Ra'ina fi ad-dars al-madi, nous avons vu dans la leçon précédente, kayfa qada Allahu ala ashab al-fil, comment Dieu a mis fin aux gens à l'éléphant qui voulait détruire la maison de Dieu. Wa qad kanat Aminah hamilan bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque, Amina était enceinte du prophète, paix et salut sur lui. ورغم أن حمله كان سهلا على آمنة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبارك من الله. Et malgré que la grossesse était facile, fluide pour Amina, parce que Muhammad, paix et salut sur lui, est béni de la part de Dieu, أنبه هنا رغم ذلك على خطورة الحمل والولادة. Je tire la sonnette ou je rappelle ici la dangerosité de la grossesse et des accouchements ou de l'accouchement. فإنها فترة عذاب للنساء. Parce que la période de la grossesse et de l'accouchement est une période de souffrance pour les femmes. Et malgré cette souffrance visible, connue, tu vois la femme qui donne naissance la première fois, وَالثَّانِيَ et la deuxième fois, وَالثَّالِثَ et la troisième fois, en connaissance de cause. وَرَأَيْنَا مِنْ أُمَّهَاتِنَا مَنْ وَلَدَتْ عَشْرَ مَرَّاتٍ et nous avons vu parmi nos mères celle qui a donné 10 enfants. Ça veut dire 10 fois la même souffrance. وَأَظُنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الرَّجُلْ هُوَ الَّذِي يَحْمِلْ je pense et je crois que si c'était l'homme qui tombait enceinte à la place de la femme, وَوَلَدَ الْمَرَّ الْأُولَى et s'il a donné naissance la première fois, وَرَأَ الْعَدَدِ et il a vu la souffrance. عِنْدَ الْحَمْلِ وَعِنْدَ الْوِلَادَ lors de la grossesse et lors de l'accouchement, لَمَا حَمَلَ الْمَرَّ الثَّانِيَ il n'allait pas retomber une autre fois enceinte. Il allait dire, ça suffit. وَلِهَذَا فَإِنِّي أُحَيِّ النِّسَاءَ عَلَى صَبْرِهِنَّ وَحَنَانِهِنَّ raison pour laquelle je salue les femmes pour leur patience et pour leur affection. وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى وَتَبَارَكَ أَنْ يَغْفِرَ ذُنُوبَهُنَّ بِعَذَابِ الْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ et je demande à Dieu le Très-Haut d'absoudre leurs péchés grâce à la souffrance pendant la grossesse et pendant l'accouchement. فلا شك أن الإسلام يقول بأن الله يغفر الذنوب بشوكة تؤذي المؤمن. Sans doute, l'islam dit que Dieu pardonne les péchés d'un musulman grâce à une petite épine qui lui fait mal. شوكة خفيفة. Une épine légère تغفر الذنوب الكبيرة fait effacer, pardonner les grands péchés. شوكة une épine فما بالك بامرأة تحمل أربعة أو أكثر من أربعة كيلوغرامات في بطنها que dire d'une femme qui porte plus que 4 kilos dans le ventre pas une petite épine pas une femme qui porte une petite épine dans le doigt et qui n'arrive pas à dormir à cause de l'épine يعني مش شوكة ما خلاتك تنعس لا 4 كيلو يا خويا plus que 4 kilos ou dans le ventre pas sur le doigt كم combien لعدة أشهر pour plusieurs mois لا أقول 9 ساعات je dis pas 9 heures ولا 9 أيام je dis pas 9 jours imagine avec moi mon frère je parle pas avec les sœurs imagine avec moi mon frère tu portes 4 kilos dans le ventre pendant 9 heures est-ce que tu vas supporter pendant 9 jours ولا 9 أسابيع et non pas 9 semaines ولكن 9 أشهر mais plutôt 9 mois jour et nuit من غير راحة sans repos لتلدك أنت pour donner naissance à toi frère وإذا جاء وقت العتق et lorsqu'il y a le moment de la délivrance بمعنى الولادة ça veut dire l'accouchement ça y est ouf ça va être la fin اشتد العذاب c'est là où la souffrance se multiplie par 10 ou par 100 au moment de l'accouchement وخرجت الدموع et tu vas voir les larmes sortir et les cris parfois وبعد الولادة et après l'accouchement كذلك لا راحة même après 9 mois de souffrance de larmes de mal de vertige et après la délivrance après l'accouchement la raha après l'accouchement il n'y a pas de repos كلما ارادت ان تنام وترتاح à chaque fois qu'elle veut dormir se reposer ايقظها الطفل ببكائه وصياحه c'est là où le bébé va commencer à crier à pleurer et la réveiller فان كانت المرأة مؤمنة صابرة si la femme est croyante et qui supporte avec patience فكل هذا يغفر ذنوبها ويطهرها ceci la grossesse l'accouchement Et la période qui suit l'accouchement, la période d'éducation à bas âge, tout ceci va pardonner ses péchés et va la purifier de tous ses péchés. Et il peut entrer, elle peut entrer dans, sous le verset coranique dans lequel Dieu dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ». Innama in kanat sabira ala hadhihi al-mihan. Donc si la femme était vraiment patiente, croyante, Dieu dit « Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter ou bien sans subir de jugement. » إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فالله تعالى وتبارك ذكر عذاب الحمل والولادة في القرآن الكريم. Dieu le Très-Haut n'a rien négligé. Il a bien cité dans le Coran la souffrance de la grossesse et celle de l'accouchement dans les versets coraniques. تقول الآية, le verset dit وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا. هل حمل؟ حملته أمه معنى في بطنها, حملته أمه كرهًا عذابًا, ووضعته معنى في الولادة ووضعته كرهًا. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon avec ses parents. Sa mère l'a porté, c'est-à-dire pendant la grossesse, l'a porté à contre-cœur, c'est-à-dire avec beaucoup de souffrance, et l'a mis au monde, c'est-à-dire pendant l'accouchement, et l'a mis au monde à contre-cœur. لهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. Raison pour laquelle, lorsque un homme est venu voir le messager de Dieu, paix soit sur lui, وقال من أحق الناس بحسن صحابتي. Quelle est la personne envers laquelle je dois utiliser ma meilleure amitié, ou envers laquelle je dois être un bon ami. Qala ummuk. Le prophète, paix soit sur lui, a répondu, ta maman. Qala thumma man. Et après qui au messager de Dieu? Ummuk, ta maman. Qala thumma man. Et après qui au messager de Dieu? Qala ummuk, ta maman. Qala thumma man. Et après qui au messager de Dieu? Qala abuk, ton père. Trois fois ta maman et la quatrième fois ton père. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique, ça veut dire rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Si le prophète, paix soit sur lui, a dit à trois reprises ta maman, je pense que vous avez compris pourquoi. Idha kan an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li thalath marrat ummuk ummuk ummuk, rubbama al-kull fahima limadha hamalathu karhan wa wada'athu karhan. Akhi, ukhti, frère, sœur, ummuka a'tatka batnaha. Ta maman t'a prêté, t'a donné son ventre à elle pendant 9 mois. Wa halibaha, et t'a donné son lait. Wa shababaha, et t'a donné sa jeunesse. Il n'y a pas plus cher que la jeunesse. Elle t'a donné sa jeunesse à elle. Wa waqta nawmiha, et elle t'a offert le moment de sommeil. Au lieu de dormir, elle était avec toi lorsque tu étais bébé. Et elle t'a donné en plus de ceci l'affection. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné? As-tu vu combien elle t'a donné? Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné, même le petit peu, qu'est-ce que tu lui as donné? Je te laisse répondre à la question. Iyak thumma iyak, méfie-toi, et méfie-toi une deuxième fois. Fa inna min bayni a'zami al-kaba'ir, parmi les péchés les plus énormes, les plus grands, 'uququl walidayn wa khususan al-ummahat, c'est la désobéissance aux parents et surtout les mères. La taqul lahuma uffin, même ouf ou bof, tu peux pas dire à ta maman. Oui, tu peux pas dire à ta maman. Qala ta'ala, Dieu le très haut a dit fa hal jazaa'u l'ihsani illa l'ihsan, la récompense de la bienfaisance est-elle autre chose que la bienfaisance? Wa ra'at Aminatu fil manam, et Amina vit dans un songe nocturne, atna al-haml, pendant la grossesse, ka'annahu kharaja minha nourun, adha'at lahu qusur al-sham, comme il y a eu une lumière sortie à partir d'elle, à partir de son ventre, cette lumière a fait éclairer ou illuminer les palais de Shem. Shem, c'est la zone géographique Syrie, Jordanie, Palestine d'aujourd'hui. Wa fi 12 min shahri Rabi' al-Awwal min 'am al-Fil, et le jour 12 du mois printemps premier, Rabi' premier, Rabi' al-Awwal, de l'année de l'éléphant, c'est-à-dire l'année en cours où il y avait les soldats qui voulaient détruire la Kaaba, Yawm al-Ithnayn, ce 12 du mois coïncidait avec un lundi, Wulida Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la naissance du messager de Dieu, paix soit sur lui, Muhammad. Un lundi, 12, printemps premier de l'année de l'éléphant. Al-Muwafiq, 20 avril, 571 miladia, ce qui correspondait au 20 avril, approximativement selon les calculs, au 20 avril 571 après Jésus, paix soit sur lui. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين, raison pour laquelle le prophète, paix soit sur lui, jeûnait ou observait le jeûne les lundis, parce que c'était le jour de sa naissance. Et il voulait remercier Dieu subhanahu wa ta'ala ce jour-ci. Donc il fêtait sa naissance, en quelque sorte, mais avec le jeûne, pas avec autre chose. Il fêtait sa naissance chaque semaine, pas une fois par an, mais uniquement par le jeûne, pour remercier Dieu subhanahu wa ta'ala. كان يصوم ليحمد الله ليشكر الله تعالى وتبارك وسئل مرة عن ذلك. On lui a posé la question une fois, pourquoi ce jeûne du lundi? فقال, il répondit, ذاك يوم ولدت فيه, parce qu'il s'agit d'un jour où je suis né, وأنزل علي فيه, et un jour où j'ai reçu la révélation, c'est-à-dire un jour où je suis devenu prophète. Il est devenu prophète le lundi et sa naissance était aussi le lundi. Rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Wulida yawm al-ithnayn wa bu'itha yawm al-ithnayn. Il a été né le lundi. Il a été envoyé comme messager, choisi par Dieu comme messager le lundi. Ma'nasara nabiyan, il est devenu prophète un lundi. Wa zara as-sama'a. Et il a visité le ciel un lundi. Le voyage nocturne et le voyage de l'ascension, c'était un lundi aussi. Et il est allé à la sama, laylat al-mi'raj, كانت laylat al-ithnayn, wa hajara fihi, et il a immigré au jour du lundi. Il a quitté la Mecque vers Médine un lundi. Wa mata fihi, et c'était le jour de sa mort aussi. Il a quitté le monde vers Dieu subhanahu wa ta'ala un lundi. Taqoul kutub as-sira, les livres de la biographie du prophète, paix soit sur lui, racontent pas mal de irhasat, pas mal de choses surnaturelles qui ont accompagné la naissance du prophète, paix soit sur lui. كتب السيرة تذكر كثير من الإرهاصات من معجزات أمور غير عادية جرت مع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم, ذكرتها كتب السيرة ولكني لن أذكرها اليوم. Mais moi je vais pas les citer, toutes ces choses surnaturelles je vais pas les citer, لأن أسانيدها حسب العلماء غير قوية, parce que les chaînes de ces hadiths selon les savants ne sont pas fortes, ne sont pas solides, ça veut dire les hadiths ne sont pas authentiques, donc c'est pas la peine de citer ces choses là. Wa ba'da wiladati, après la naissance, arsalat aminatu ila jaddihi Abd al-Muttalib تبشره بولادة حفيده. Juste après la naissance, Amina, la maman, envoya quelqu'un pour avertir, pour prononcer la bonne nouvelle à son grand-père Abdul Muttalib. وذهبت ثويبة إلى سيدها أبي لهب. Et ثويبة est parti voir son maître Abu Lahab, l'oncle du prophète paix soit sur lui, عمي النبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرته بأن زوجة أخيه عبد الله ولدت ولدا. Et elle l'a informé comme quoi Amina, l'épouse de son frère, a donné naissance à un garçon. فبفرحته اعتقها من العبودية. Et par joie, grâce à cette joie excessive, il l'a libéré, il l'a délivré de l'esclavage. Il a donné la liberté à cette esclave qui s'appelait Thouaiba. وجاء عبد المطلب فرحا. Et عبد المطلب arriva content, heureux. فأخذ المولود الجديد. Il prit dans les bras le nouveau né qui est Muhammad صلى الله عليه وسلم. ودخل به الكعبة. Et il entra avec Muhammad au cœur ou à l'intérieur de la Kaaba. وَدَعَ اللَّهِ. Il invoqua Dieu subhanahu wa ta'ala. وَشَكَرَهُ. Et remercia Dieu. وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا. Et lui donna le nom de Muhammad. Là j'ouvre une parenthèse. قيل بأن آمينة رأت في المنام آت قال لها. On rapporte, on dit que Amina a vu dans un songe nocturne quelqu'un lui dire dans le rêve, innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-umma, tu es enceinte ou tu es tombée enceinte du maître de, ou tu portes maintenant le maître de la nation, de cette nation. Fa idha waqa'a ila al-ard faquli, lorsqu'il va sortir de ton ventre, dis u'iduhu bil wahid, je le protège, je demande sa protection à l'unique, ça veut dire Dieu, min shir min sharri kulli hasid, du mal de chaque jaloux, wa sammihi muhammadan, et appelle-le Muhammad. Rawahu ibn Ishaq, rapporté par ibn Ishaq. Wa li hadha sammahu abd al-muttalib bi muhammad, raison pour laquelle son grand-père qui connaissait ce songe de Amina lui a donné le nom qui a été donné dans le rêve, ça veut dire Muhammad. Mais personne ne connaissait ce nom avant cet incident. Les gens ne s'appelaient pas Muhammad. C'est le premier Muhammad de l'histoire. C'est pour ça que Dieu a utilisé le rêve pour dire à la maman le nom que doit porter ce nouveau-né. يعني ما كان أحد يعرف اسم محمد. فهو أول محمد في الدنيا. ما كان قبله يعني إنسان اسمه محمد. لهذا رأته في المنام بأن اسمه محمد فسماه عبد المطلب محمد بمعنى الله تعالى وتبارك هو الذي اختار هذا الاسم هو الذي سماه من فوق سبع سماوات. Ça veut dire c'est Dieu même qui a choisi pour lui le nom de Muhammad. ومحمد تعني من يشكر ويحمد مرة بعد مرة إلى ما لا نهاية. محمد signifie celui qui sera remercié, celui auquel on va présenter les louanges une fois après une autre jusqu'à l'infini, sans cesse, qui sera remercié sans cesse. C'est la signification de Muhammad. Muhammad هو الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء من غير نهاية. وهذا الاسم كما قلت لم يكن معروفا عند العرب. Ce nom de Muhammad n'a pas été connu chez les Arabes. ولكن سمي به ثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Mais quand même, il y a eu trois qui ont porté le nom de Muhammad à l'époque du prophète paix soit sur lui chez les Arabes. سافر آباؤهم فسمعوا من أهل الكتاب بزمن نبي عربي اسمه محمد. Leur père, les trois pères ont voyagé vers ou en dehors de l'Arabie ou de la péninsule arabique. Ils ont rencontré les gens du livre qui leur ont dit c'est le moment de l'envoi d'un prophète arabe qui s'appellera محمد. وكانت نساؤهم حاملة et leurs femmes étaient en grossesse ou enceintes. فلما رجعوا سموا أولادهم محمد. Et les trois, après leur retour de l'extérieur, ont donné le nom de Mohammed à leur fils. Raja'a an yakun an-nabi minhum, dans l'espoir que le prophète soit parmi eux. Wal-ajib huwa anna ba'd al-mustashriqin. Ce qui est extraordinaire, mes frères et mes sœurs, c'est que l'un des orientalistes, qala ou qalu huma jama'a, قالوا لما هاجر النبي الى المدينه. Ces orientalistes ont écrit dans leur livre comme quoi lorsque le messager Mohammed voyage vers a effectué l'immigration vers Médine, il a quitté la Mecque. وسمع من اهل الكتاب بالمدينه, et lorsqu'il a entendu les gens du livre à Médine parler d'un prophète arabe qui s'appelle Mohammed, سمع اهل الكتاب في المدينه يتكلمون عن اسم محمد كنبي في العرب سيخرج, غير اسمه. À ce moment-là, il a changé de nom. وصار محمدا, et il devint محمد. في الحقيقة, هذا كلام يثير الضحك. En réalité, ce genre de parole provoque le rire, ou pousse à rire, ولا يحتاج إلى تعقيب. Et je le laisse sans commentaire. وأعود إلى بيت آمينة. Je reviens maintenant vers la maison de Amina. إنها الفرحة الكبرى. Il s'agit de la plus grande joie, l'immense joie. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. منذ أشهر كان البكاء والحزن. Quelques mois auparavant, dans la même maison, il y avait les pleurs, le chagrin, le deuil. واليوم الضحك والفرح. Mais aujourd'hui, le rire et la joie. Et telle est la vie ici-bas. C'est ça la vie ici-bas. Buka'un wa dhahik. Des pleurs et du rire par la suite. Huznun wa farah. De la tristesse suivie par la suite par la joie. Et ainsi de suite. Wal 'aqilu al mu'min yara fi kulli shay' ibtila. من الله تعالى وتبارك. Et le croyant raisonnable voit dans tout ceci la joie qui le touche, la tristesse qui le touche, qui le frappe de temps en temps, des épreuves de la part de Dieu سبحانه وتعالى. فلا تخدعه الدنيا. Comme ça, il ne se laisse pas tromper par la vie ici-bas. نعم إنها الفرحة عند آمينة. C'est vrai, il y a maintenant la joie chez Amina. ولكن يا ليت عبد الله كان حيا. Mais oh, si Abdullah, le père de Mohammed, était encore en vie, ليفرح معها, pour partager avec elle cette joie. لقد شاء الله أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما. Dieu le Très-Haut voulut que Mohammed vienne en ce monde en tant que orphelin, la أبل, son père. وهنا أقف وقفة مع اليتيم. Et là, je vais marquer un arrêt avec l'orphelin. الطفل اليتيم, l'enfant orphelin. يرى الأطفال مع آبائهم. L'orphelin voit les enfants avec leur père. لهم ما يريدون. Ils ont ce qu'ils veulent. وَيَرَى بِأَنَّهُ مَحْرُومٌ. Et il voit qu'il est privé. فَيَتَسَأَلْ. Et s'interroge. وَأَنَا أَيْنَ أَبِي. Et moi, où est mon père? الْيَتِيمُ يَرَى الطِّفْلَ مَعَهُ أَبٌ يَحْمِيهِ. L'orphelin voit l'enfant accompagné d'un père qui le protège. وَهُوَ لَا حَامِيَ لَهُ. Et lui n'a aucun protecteur. يراه يشتري له اللباس واللعب. Il voit que son père lui achète les jouets, les habits. وهو لا من يشتري له. Et lui, personne ne lui achète. يراه يقبله. Il voit que le père embrasse son fils. وهو لا من يقبله. Et lui, personne ne l'embrasse. Il n'a pas un père qui l'embrasse. ويتساءل وأنا أين أبي. Et il s'interroge, et moi, où est mon père? وخصوصا يوم العيد. Et surtout le jour de la fête. يرى الأطفال يضحكون فرحين. Il voit autour de lui les enfants qui sont en train de rire de joie. ويريد أن يضحك مثلهم. Et il cherche le pauvre à rire comme eux. C'est le jour de la fête. فلا يستطيع. Et il ne peut pas. إنه لا يعرف الضحك. Parce qu'il ne connaît pas le rire. إنه كثير البكاء والحزن. Parce qu'il connaît lui, c'est la tristesse et les pleurs. وتدوم محنته. Et sa souffrance va durer لا يوما, pas un jour. وهو صغير, lui le petit. ولا شهرا, et pas un mois. ولا سنة, et pas une année. ولكن تقريبا حتى العشرين سنة. Mais à peu près jusqu'à 20 ans, lamma yusbih mu'tamidan ala nafsihi, lorsqu'il deviendra indépendant vis-à-vis des autres. Wa hunaka man yabqa hakadha tul hayati, il y a celui qui va rester comme ça toute sa vie, li anna nafsuhu tadammarat, dammaraha an-nas bil yut, li anna kana yatiman, li anna nafsuhu tadammarat wa la ilaja laha, parce que il y a eu pendant les 20 ans, des dégâts psychiques irréparables. واليتيم الحقيقي هو الذي له أب وأم. Et le vrai orphelin est celui qui a un père, une mère, لا يعطيانه حقوقه, mais qui ne lui donne pas ses droits. ولا يهتمون به, et qui ne s'occupe pas de lui, qui ne s'intéresse pas à lui. لأن عادة الناس الإحسان إلى اليتيم, parce que par habitude les gens font du bien à l'orphelin. أما هذا فالناس لا تفكر فيه لأن له أب وأم. Mais celui-ci est oublié de la part de la bienfaisance des gens parce que ils disent il a un père, il a une mère. وقد دافع الإسلام عن اليتيم. L'islam a bien défendu l'orphelin, فقيرا كان أو غنيا, qu'il soit pauvre ou riche, l'islam l'a défendu. فقال الله عن الأول, Dieu a dit à propos du premier, فأما اليتيم فلا تقهر, l'orphelin quant à lui ne l'opprime pas. وقال تعالى عن الثاني, et Dieu a dit à propos du deuxième, إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ عَنِ الْأَغْنِيَاءِ الْيَتَامَ الْأَغْنِيَاءِ, à propos des orphelins mais riches qui ont un héritage ou autre. إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Ceux qui mangent les biens des orphelins en toute injustice ne mangent dans leur ventre que du feu. Et ils seront rôtis dans une fournaise ardente. ويقول النبي صلى الله ويقول النبي اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم. Et le prophète qui était orphelin, Mohammed, paix soit sur lui, dit: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى متفق عليه. Il dit dans un hadith: moi et le tuteur de l'orphelin dans le paradis comme ces deux. Et il a indiqué par l'index et le majeur. Ça veut dire lui et le tuteur d'un orphelin seront les deux au paradis comme ces deux-là. L'une à côté de, ou l'un à côté de l'autre. Ana wa kafilul yatim fil janna hakada. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète paix soit sur lui dit: As-sa'i 'ala al-armala al-yatama, celui qui prend en charge la veuve. La veuve, ça veut dire la mère des orphelins. Il la prend en charge ainsi que ses orphelins. As-sa'i 'ala al-armala, celui qui prend en charge la veuve, wal-miskin, et le pauvre, kal mujahidi fi sabilillah, exactement comme ou est exactement comme le mujahid sur le sentier de Dieu, celui qui accomplit le jihad sur le sentier de Dieu. Aw kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl, ou comme celui qui jeûne le jour et prie la nuit, veille toute la nuit par la prière, muttafaqun alayh, unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Akhi, ukhti, frère, sœur, bilmal, avec l'argent, mumkin shira ajr al-mujahid, il est possible d'acheter le salaire, le même salaire que le mujahid. Ou as-sa'im al-qa'im tout al-dahr, ou acheter le salaire du jeûneur le jour, veilleur par la nuit, par la prière la nuit. Naam. Wulida. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, le prophète paix soit sur lui dit, ça va être le dernier hadith, man wada'a yadahu ala ra'si yatim rahmatan. Celui qui pose la main par pitié, par clémence, sur la tête d'un orphelin, كتب الله بكل شعرة مرت على يده حسنة. Dieu va lui inscrire comme salaire ou comme bonne action le nombre de cheveux de la tête de l'orphelin qu'il va toucher avec sa main. Regardez, tu poses la main sur la tête d'un orphelin et ta main va toucher, je ne sais pas combien de cheveux, et pour chaque cheveu, Dieu va te donner une bonne action. Tu n'as rien fait, mais seulement tu as posé la main, parce que cet orphelin, il n'a personne qui va lui faire ça. لأن هذا اليتيم لا من سيضع يده ولا من يفكر فيه هو منسي, parce qu'il est oublié par la société. Si toi tu penses et tu mets seulement la main pour chaque cheveu, c'est une bonne action auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. رواه الإمام أحمد وابن حبان, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam ابن حبان. نعم, ولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما كعيسى عليه السلام. Donc oui, mes frères et mes sœurs, Muhammad est né, paix soit sur lui, orphelin, exactement comme Jésus, paix soit sur lui, qui n'avait pas de père. ولم يربه أبوه, et il n'a pas été élevé par son père, كيوسف وموسى عليه السلام, comme Joseph et Moïse, paix et salut sur eux. وهذه معجزة لمحمد, et là il s'agit d'un grand miracle en faveur de Muhammad, paix et salut sur lui. اليتيم الأمي يصبح أكبر قائد وأكبر معلم للعالم. L'orphelin illettré, analphabète, devient par la suite le plus grand dirigeant et le plus grand enseignant ou maître pour le monde. لأن عادة اليتيم والأمي أو لأن عادة اليتيم والأمي لا قيمة لهم في حياة الناس, parce que d'habitude l'orphelin et l'illettré n'ont aucune valeur dans la vie des gens. وكأن الله أخذ أباه عبد الله, et comme si Dieu lui a pris son père jeune, à l'âge de 25 ans, comme si Dieu lui a pris son père. وكأن الله أخذ أباه عبد الله عبد الله وقال له يا حبيبي, et il lui a dit, ô mon bien-aimé, يا محمد, ô محمد, أنا الذي سأتكفل بك, c'est moi qui va te prendre en charge. وبعد 40 سنة, et après 40 ans, ذكره هذا في آية قرآنية, Dieu lui a rappelé ceci dans un verset coranique après 40 ans. ألم يجدك يتيما فآوى, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a alors assuré le gîte. ووجدك ضالا, ضال مش بمعنى الضلال، لا، ضال بمعنى إنسان لا يعرف الطريق، ضل الطريق بمعنى لا يعرف الطريق، ووجدك ضالا فهذا ايتيون تروفي بيردو il t'a bien guidé ووجدك عائلا فأغنى تيون تروفي dans le besoin il t'a enrichi. وهنا أترك آمنة ترضع ولدها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Là je vais laisser Amina allaiter son fils bien-aimé Mohammed, paix soit sur lui, لأكلمكم عن آداب الولادة في الإسلام, pour vous parler de l'éducation islamique en ce qui concerne la naissance. Parce que je reçois beaucoup de questions et peut-être là c'est une occasion pour donner des réponses à toutes ces questions. لأن تأتي كثير من الأسئلة عن الولادة الذي ولد ماذا يفعل إلى غير ذلك فهنا فرصة للجواب. أولا, premièrement, يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى بلطف. Il est souhaitable, il est préférable de dire al-adhan dans l'oreille droite du nouveau-né avec douceur bien sûr, wa yuqim as-salat fil yusra, et de dire al-iqama de la prière dans la deuxième ba'da al-wilada, juste après la naissance. فيكون أول كلام يسمعه في حياته الله أكبر. Et comme ça, la première parole que le nouveau-né va entendre dans sa vie, الله أكبر. Dieu est très grand. أشهد أن لا إله إلا الله. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. وأشهد أن محمدا رسول الله. Et j'atteste que Mohammed est l'envoyé de Dieu. إلى آخره, etc. فالمسلم أول كلام يسمعه بعد الولادة, le musulman, la première ou les premières paroles qu'il va entendre après la naissance, لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Dieu. وآخر كلام يسمعه قبل الموت, et la dernière phrase qu'il doit écouter ou entendre avant la mort, avant de quitter ce monde, لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Dieu. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. Le prophète paix soit sur lui fit l'appel à la prière al-adhan dans l'oreille de al-Hassan, fils de Fatima al-Zahra, la radieuse, que Dieu soit satisfait des deux, بعد ولادته, juste après sa naissance. رواه أبو داود والترمذي وصححه, rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam al-Tirmidhi, qui l'a authentifié. ثانياً, deux, يسن التحنيك, il est préférable de faire cette sunna du prophète qui s'appelle التحنيك, j'essaie de la traduire par le massage doux de la bouche, c'est-à-dire de l'intérieur. والطريقة, la façon, la méthode, يمضغ تمرة, le père mâche une date, ويأخذ جزءا بأصبعه, et prélève une partie de la date mâchée avec le doigt, يدخله في فم المولود, et fait entrer le doigt dans la bouche du bébé, du nouveau-né, ويحركه يمينا وشمالا, et fait bouger le doigt vers la droite et vers la gauche, بحركة لطيفة, avec un mouvement doux. إن لم يجد التمر, en cas de non-présence de date, s'il n'y a pas de date, فليأخذ مادة حلوة, il n'a qu'à prendre une autre matière sucrée, douce. مع العلم أنه الآن يوجد عجين التمر, sachant qu'actuellement dans le commerce il y a ce qu'on appelle la pâte des dates. C'est pas la peine de mâcher, c'est déjà fait par des machines. La pâte des dates, يضيف إليه قليلا من الماء, on ajoute un peu d'eau à cette pâte de dates, ويحنك, et fait l'opération du massage des parois intérieures de droite et de gauche de la bouche. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك أولاد الصحابة ويدعو لهن بالبركة. Le prophète paix soit sur lui massait les bouches des fils ou des enfants des compagnons et faisait pour eux en même temps des prières de bénédiction. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Thalithan, troisièmement, tustahabbu al-bisharatu wa tahni'a. Il est préférable d'annoncer la bonne nouvelle de la naissance et de féliciter. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, Ya Zakariya ou Inna nubashiruka, at-tabshir, amaliyat at-tabshir, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Walad, yani Zakariya. Ô Zacharie, Dieu dit dans le verset coranique, en s'adressant au messager Zacharie, ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle de la prochaine naissance d'un garçon du nom de Jean. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi le nom de Jean aussi, comme il a choisi le nom de Mohammed. Mais Allah Ta'ala wa Tabarak, wa alladhi ikhtar ism Yahya, kama ikhtar ism Mohammed. Wa Abu Lahab, am al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Lahab, l'oncle du prophète, paix soit sur lui, lamma basharathu thuwaybatu bi wiladat Muhammad alayhi salatu wa salam a'taqaha. Et Abu Lahab, l'oncle du prophète, paix soit sur lui, lorsque son esclave Thuwayba lui a annoncé cette bonne nouvelle de la naissance de Muhammad, il l'a libéré. Qila fa inna al-'adab yukhaffaf 'anhu kull ithnayn بسبب فرحته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وبسبب عتقه لخادمته ثويبة. On dit, on rapporte, comme quoi le châtiment s'allège pour lui, pour Abu Lahab, chaque lundi, le jour de la naissance du prophète, paix soit sur lui, chaque lundi, grâce à sa joie immense de la naissance de Muhammad, paix soit sur lui, et grâce à cet acte d'avoir libéré son esclave Thuwayba, رغم انه مات كافرا, malgré qu'il fut mort en tant que mécréant. رواه السهيلي ومثله رواه البخاري, rapporté par l'imam السهيلي, et la même chose à peu près a été rapportée aussi par l'imam البخاري. اما التهنئه فهي ان يقال للوالد او الام. En ce qui concerne les félicitations, c'est préférable de dire au père ou bien sûr à la mère, barakallahu laka fil mawhoub, que Dieu bénisse pour toi le don, c'est-à-dire ce que tu as reçu comme don, qui est le nouveau-né, wa shakart al-wahib, et que tu remercies le donateur, wa balagha ashudda, et qu'il arrive à l'âge adulte, wa ruziqta birra, et que tu reçoives sa bienfaisance ou son obéissance à toi. ويجيب الوالد, et le père répond par بارك الله لك وبارك عليك, que Dieu te bénisse et que les bénédictions soient sur toi. أعيد, je répète, بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب, الله يبارك لك في المولود الموهوب, وشكرت الواهب, يعني الله تعالى وتبارك, وبلغ أشده, الله يطول عمره, وبلغ أشده, ورزقت بره. ويجيب الوالد, et le père répond, بارك الله لك وبارك عليك. وكل هذا ليس فرضا, tout ceci c'est pas une obligation, c'est pas obligatoire, c'est pas une recommandation, ولكنه مستحب, mais c'est préférable. ويمكن استعمال أي صيغة دعاء من طرف المهنئ, il est possible d'utiliser toute autre formule de prière de la part du félicitateur, ومن طرف المهنئ كإجابة, et de la part du félicité comme réponse. ويكره استعمال صيغ الشك, mais il est déconseillé d'utiliser des formules incertaines. سمع مرة الحسن البصري, الحسن البصري une fois entendit, رجلا يهنئ لأب ولده, il a entendu un homme qui félicitait un père pour la nouvelle naissance, pour son fils. قائلا يهنيك الفارس, en lui disant félicitations à toi, le brave cavalier, c'est-à-dire ce fils, le brave cavalier. فقال له الحسن, et الحسن lui dit, ما يدري أفارس هو أم حمار. Qu'est-ce qui te fait savoir qu'est-ce qu'il deviendra, un brave cavalier ou un âne? ودلّه على الصيغة الإسلامية, et il lui a indiqué la méthode islamique que je viens de citer en avance. رابعا, quatrièmement, يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته. Il est préférable de raser la tête du nouveau-né le septième jour après la naissance. ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. Il est préférable de peser le poids, la masse des cheveux rasés du nouveau-né et de donner l'équivalent, ça veut dire en argent, en euros, l'équivalent de leur poids en or ou en argent. فعلت فاطمة الزهراء رضي الله عنها هذا بالحسن رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة الزهراء, la fille du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle, a fait ceci vis-à-vis de Hassan, de son premier fils Al-Hassan, que Dieu soit satisfait de lui, par ordre du prophète, paix soit sur lui. رواه الإمام أحمد ومالك, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Malik. وهذا يساوي بعض الأوروهات. Et ceci vaut quelques euros. فلا يسمع الإنسان الذهب ويخاف. Donc la personne ne doit pas entendre le poids en or ou en argent et doit avoir peur. Non. لأن الشعر خفيف. Parce que les cheveux sont légers. معنى تأخذ الشعر تضعه في يعني في ميزان وترى كم الوزن كم من الوزن من ميليغرامات وتضربها في ثمن الميليغرامات بالذهب فتجد بعض الأوروهات تعطيها للفقراء. Donc tu pèses les cheveux, tu regardes le poids, combien ça fait de milligrammes, et tu supposes qu'il s'agit de milligrammes en or, et tu multiplies par le prix d'un milligramme en or, ça te donne quelques euros à donner aux pauvres. خامساً, cinquièmement, يسن اختيار اسم حسن للمولود. Il est préférable, c'est une sunna, de choisir un bon prénom pour le nouveau-né. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète paix soit sur lui dit, إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. Les noms ou parmi vos noms les plus aimés à Dieu sont Abdullah, serviteur de Dieu ou esclave de Dieu, et Abdurrahman, et serviteur du miséricordieux. Rawahu Muslim, wa Tirmidhi, wa Abu Daoud, wa Nasa'i, rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, At-Tirmidhi, Abu Daoud et l'imam An-Nasa'i. Wa mumkin isti'mal asma Allah al-Husna. Il est possible aussi d'utiliser les attributs de Dieu, les 99 noms de Dieu, avec le préfixe avant de serviteur. Mimma yu'ti mathalan, et ça va donner par exemple Abdul Malik. Abdul Malik, serviteur du roi. Le vrai roi, c'est Dieu. Abdus Salam, serviteur de Salam, qui est Dieu, la paix. Il a akhiri, etc. Walakin la yajouz Abdul Nabi. Mais il n'est pas permis de donner le nom serviteur du prophète, Abdul Nabi, ou Abdul Ka'ba, et serviteur de la Ka'ba. Même si c'est sacré, même si la Ka'ba, la maison de Dieu est sacrée, on ne peut pas dire serviteur de la Ka'ba comme nom, Abdul Ka'ba. Ou yahram at-tasmiya bi asma'il jalal. Il est interdit de donner des noms aux nouveau-nés, des noms majestueux qui sont réservés pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nommer quelqu'un Allah. Il est interdit de donner le nom de Dieu à un nouveau-né. Par exemple, Allah, ou Khaliq, ou bien Créateur, etc. Il a akhiri. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, paix soit sur lui, a dit, tasammaw bi asma'il anbiya. Prenez comme nom ceux des prophètes. رواه الإمام أبو داود والنسائي, rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam An-Nasa'i, كمحمد, comme par exemple محمد, c'est le nom d'un prophète, أو أحمد, أحمد, مصطفى, إبراهيم, إلى آخره etc. وتكره الأسماء القبيحة les mauvais noms sont déconseillés كشيطان comme Satan quelqu'un qui va choisir Satan شيطان وظالم يعني injuste ظالم كانوا في الجاهلية يسمون ظالم pendant la période pré-islamique ils donnaient ce nom de ظالم injuste وحمار et âne إلى آخره etc. والسنة تغيير هذه الأسماء la sunna du prophète peace be upon him est de changer ces noms s'il y en a فلقد غير صلى الله عليه وسلم اسم عاصية بنت عمر بن الخطاب بجميلة le prophète peace be upon him a changé le nom de عاصية désobéissante fille de Omar le nom qui a été choisi par Omar dans la jahiliya par جميلة par belle elle était elle avait comme nom désobéissante عاصية et le prophète a changé le nom belle جميلة رواه الإمام مسلم ce hadith est rapporté par l'imam مسلم وغير حزن رجل كان اسمه حزن بسهل قالوا لا مش حزن أنت سهل le prophète peace be upon him a changé le nom de quelqu'un le nom c'était حزن حزن signifie la terre dure quelqu'un de dur يعني الأرض القاصحة يعني واحد قاصح كان سميته قاصح أو صلب أو يعني فسماه سهل أرض سهلة يعني سماه سهل le nom de حزن signifie dur une terre dure il lui a choisi la terre facile ou facile فحزن صار اسمه سهل رواه الإمام البخاري rapporté par l'imam البخاري وألاحظ هنا بأن جميلة وسهل لا علاقة لهما بأسماء الأنبياء je remarque ici que le nom de belle et de facile n'ont aucun lien avec les noms des prophètes. بمعنى يجوز اختيار أسماء صالحة لا تتنافى مع الإسلام وإن لم تكن أسماء أنبياء. Ça veut dire il est permis de choisir pour les enfants des noms qui n'ont rien à voir avec les noms des prophètes, mais des noms vertueux, les noms de la vertu qui ne s'opposent pas à l'islam, qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. ويسمى الولد إما في اليوم الأول et on nomme le nom le on donne un nom au nouveau-né soit le premier jour rapporté par l'imam البخاري et مسلم رواه الإمام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم sur le prophète peace be upon him أو السابع ou bien le septième jour رواه كذلك أصحاب السنن rapporté par les gens des sunnas c'est-à-dire l'imam أحمد l'imam ترمذي etc. وما بينهما il est possible aussi de donner le nom entre le premier et le septième jour donc le temps est large vous pouvez donner le nom soit le premier soit le deuxième jusqu'au septième وربما الأليق في زماننا peut-être ce qui est plus convenable à notre époque هو اليوم الأول c'est le premier jour لتسجيله في دفتر الحالة المدنية pour l'inscrire dans le livret de famille lorsqu'il est à la maternité. سادسا le sixième point تسن العقيقة il est souhaitable d'accomplir cette sunna qui s'appelle العقيقة والعقيقة تعني القطع العقيقة signifie la coupure cette sunna de coupure عق والدي بمعنى قطع أو قطع والديه عق ses parents le verbe عق devant les parents signifie à couper avec les parents وهي ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته et ça consiste à égorger une brebis ou un mouton pour son fils le septième jour de la naissance قال صلى الله عليه وسلم le prophète peace be upon him dit مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما il y a avec l'enfant une عقيقة une coupure saignée du sang pour lui رواه البخاري rapporté par l'imam البخاري وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه chaque nouveau-né est lié à son aqiqa à sa coupure qu'on doit égorger pour lui le septième jour rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Ahmed wa ghayruhum, rawahu l'imam Tirmidhi wa Ahmed wa ghayruhum. Wa hiya 'inda l'imam Malik shat 'an adh-dhakar wa shat kadhalik 'an al-untha. Chez l'imam Malik, il s'agit de dégorger une brebis ou un mouton pour le garçon et la même chose pour une fille. Wa 'inda ghayrihi, chez les autres, shatani 'an adh-dhakar, deux brebis ou deux moutons pour le garçon et une pour la fille. Wa shat 'ani al-untha. Wa li kulli wahid adillatuhu min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun des deux groupes a ses propres arguments tirés à partir de la tradition et la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Wa yumkinu al-jam'u baynahuma, il est possible de regrouper les deux avis, d'unir les deux avis. Fa man 'indahu yusr wa mal, celui qui a une largesse, celui qui a des moyens, yadbah shatani 'an adh-dhakar, il peut égorger deux brebis ou moutons pour le garçon. Wa man kana mahdoudan, celui qui est limité, falyadbah shatan wahida 'an adh-dhakar, il n'a qu'à égorger une seule brebis ou un mouton pour le garçon. Wallahu a'lam, et Dieu est l'unique sachant. Amma waqtuha wa huna da'iman takuna al-as'ila mata tudbah. En ce qui concerne le moment de où on doit égorger, fa yawm as-sabi' kama ra'ayna, c'est le septième jour comme on l'a vu, wa yuhsab yawm al-wilada min as-sab'a, et on compte le jour de la naissance parmi les sept. Parce que souvent les gens me posent la question, c'est quel jour mon fils est né, par exemple lundi, je dois compter sept jours, c'est quel jour où je dois égorger? Il y a une façon de compter le premier jour, c'est-à-dire le jour de la naissance. S'il est né le lundi, on dit lundi 1, mardi 2, etc. Et le septième, on égorge. يحسب يوم الولادة من السبعة. واليوم في الإسلام يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس. Et en islam, le jour commence à partir du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. وعند مالك, et chez l'imam Malik, يحسب يوم الولادة إن ولد قبل الفجر أو مع الفجر. On compte le jour de la naissance comme premier si la naissance a eu lieu avant l'aube, c'est-à-dire pendant la nuit ou au moment de l'aube. وإلا فلا يعد بعد الفجر. Sinon, chez l'imam Malik, on ne compte pas le jour de la naissance si la naissance a eu lieu après l'aube, ça veut dire le jour. والذبح يوم السابع مستحب. Égorger la bête le septième jour est une chose préférable. فإن لم يستطع, s'il n'a pas pu pour des contraintes plus fortes que lui, فهناك قول لعائشة, il y a un avis de notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, سبعة أيام, le septième jour, أو أربعة عشر, ou le 14e jour, ou li ahadin wa ishrin, ou bien le 21, le 21e jour. Wa hunaka qawlun lil malikiyya wa shafi'iyya wa al-hanabila, huna il y a un autre avis pour les hanafites, les shafi'ites et les malikites, law dhabaha qabla as-sabi' aw ba'dahu ajza'ahu, si quelqu'un par force majeure il égorge avant le 7e ou après le 7e, c'est aussi juste. Par exemple, si quelqu'un égorge le quatrième jour, ou bien le huitième, ou bien le dixième, et le sacrificateur dit, Bismillah, au nom de Dieu, Bismillah, Allahumma minka, au Seigneur, c'est de toi et à toi. Allahumma minka, wa ilayka, aqiqat fulan, c'est la aqiqa de Foulain, ou c'est la coupure de Foulain. Al-Sabi' wal-Akhir, le septième et dernier point, Al-Khitan, la circoncision. Wa huwa sunna mu'akkada 'inda al-Malikiyya wal-Hanafiyya lid-dhukur. La circoncision est une sunna recommandée chez les Malikites, les Hanafites, uniquement pour les garçons. وقال الشافعية فرض للذكور وللإناث. Les Shafi'ites ont dit que la circoncision est une obligation pour les garçons et les filles. وقال الحنابلة les Hanbalites ont dit واجب على الرجال est un devoir uniquement pour les hommes. ووقته عند العلماء est le moment pour accomplir la circoncision chez les savants فيه متسع il y a un temps quand même énorme حتى قبيل سن الصلاة jusqu'à à peu près avant l'âge de la prière يعني السابعة ça veut dire jusqu'à 7 ans parce que normalement on doit commencer la prière à 7 ans donc on peut circoncire l'enfant jusqu'à à peu près avant 7 ans والأفضل في الصغر mais il est préférable de faire ceci à bas âge من بين أدلة أصحاب الوجوب parmi les arguments de ceux qui ont dit obligatoire ou bien un devoir la parole sacrée de Dieu قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في آية le verset ou l'ordre de la part de Dieu dans un verset coranique fait au prophète et à travers le prophète à toute la nation d'islam أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة suit la religion d'Abraham قالوا والختان من ملة إبراهيم عليه السلام et la circoncision faisait partie de la religion d'Abraham qu'on doit suivre tous لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال parce que le prophète paix soit sur lui dit une fois اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة Abraham paix soit sur lui s'est circoncis c'est-à-dire lui-même à l'âge de 80 ans pas à l'âge de 2 ans, mais à l'âge de 80 ans. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Wa fi riwaya, dans une autre version, huwa awwalu man ikhtatan. Il fut le premier à se circoncire. Wa min bayni adillat al-akharin, parmi les preuves ou les arguments des autres qui ont dit que c'est une sunna recommandée, sunna mu'akkada, arqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix soit sur lui dit, arba'un min sunan al-mursalin. Quatre font partie des sunnas des envoyés, ça veut dire des prophètes. Al-khitan, la circoncision. At-ta'attur, le fait de se parfumer. As-siwak, nettoyer ou laver la bouche par le siwak ou par autre chose. Wan-nikah, et le mariage. رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد rapporté par les deux imams الترمذي وأحمد وقال أصحاب الوجوب ceux pour lesquels la circoncision est une obligation est un devoir on dit بأن عدم الختان comme quoi la non-circoncision يعرض لفساد الطهارة والصلاة expose à la corruption de la purification de la pureté et la corruption de la prière C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir ses ablutions, ou retenir les ablutions, ou les ablutions ne sont pas correctes. Ou bien on n'est pas pur, on n'est pas propre pour faire la prière. لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَسْتَطِعْ إِزَالَتْ كُلَّ الْبَوْلِ Parce que le non-circoncis ne peut pas éliminer complètement les urines. وَلِهَذَا لَمْ يُجِيزُ لَهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا Raison pour laquelle ils n'ont pas permis au non-circoncis d'être imam, parce qu'il a toujours des urines. Amma al-an, tandis que actuellement, en notre époque, faqad bayyanat ba'd ad-dirasat at-tibbiyya, des études ou quelques études médicales ont montré anna adam al-khitan 'inda ad-dhukur, que la non-circoncision chez les garçons يؤدي إلى أمراض خطيرة peut provoquer, peut produire des maladies dangereuses de l'appareil génital يعني أمراض خطيرة للجهاز التناسلي وإلى السرطان كذلك et qui peut produire des maladies la non-circoncision peut provoquer même le cancer chez quelques-uns non-circoncis وقد يؤدي إلى العقم et la circoncision peut même mener vers la stérilité وهذا المصاب et ce malade par ce genre de maladie causée par la non-circoncision ينتقل مرضه إلى زوجته sa maladie, sa propre maladie peut contaminer sa femme فيتسبب لها في التهابات اي ça peut causer pour elle des inflammations وقد يتسبب لها في سرطان الرحم qui peuvent causer pour elle le cancer de l'utérus وكذلك في العقم الكامل اي ça peut causer pour elle la stérilité complète ça veut dire irréparable وقد لاحظ الاطباء les médecins ont remarqué تفاقم امراض الجهاز التناسلي عند غير المختونين من الذكور بصفه عامه les médecins ont remarqué en général que il y a beaucoup de maladies d'appareil génital chez les non circoncis parmi les hommes وفي الاخير اقول يا لا فين je dis إذا ولد لك ولد si tu as eu une naissance si tu as eu un garçon une fille comme naissance فهذا مصدر فرح il s'agit là d'une source de joie فإياك أن تفرح بالعطاء méfie-toi de te montrer très heureux très joyeux très content du don وتنسى الذي أعطى méfie-toi que ta joie de recevoir le don te fasse oublier celui qui t'a donné, le donateur. Et tu oublies Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa ila al-liqa fi ad-dars al-qadim, insha'Allah. Et à la prochaine fois, lors du prochain cours, si Dieu le veut. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.